et plusieurs autres. Ce vendredi à la vie en BD, Jimmy Beaulieu et la bande dessinée De Concert, Boom et ses boomeries, des commentaires BD et plus. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette dernière émission de la saison 2017-2018 de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30 pour un dernier regard, une dernière heure qu'on consacre cette saison à la bande dessinée, essentiellement la bande dessinée québécoise. Toujours un plaisir, évidemment, d'être avec vous ces vendredis soirs en route vers la longue pause estivale et on l'espère, évidemment, vers un retour dès l'automne prochain. Et d'ici là, ben on va se laisser sur deux belles rencontres, du moins on l'espère, deux belles rencontres autour à tout le moins de belles œuvres dont on a envie de vous jaser. Entre autres, en deuxième moitié d'émission, on aura le plaisir de jaser avec Boom autour. Bon, elle va lancer dans le cadre du Festival BD de Montréal le tome de ses boomeries. Et en voyant ça, je me suis rendu compte que au fil des six dernières années d'émission, on n'a jamais pris le temps de jaser avec Boom de ses boomeries. Pourtant, dans mon cas, je ne sais pas pour vous, mais c'est dans mes lectures régulières, récurrentes, trois fois par semaine, on lit ce qu'elle propose sur le web. Des chroniques du quotidien, une autofiction savoureuse, bien maîtrisée. Donc, on avait envie de jaser un peu avec elle. Ben, d'où viennent justement ces boomeries? Comment ça s'est construit depuis 2011? Quel travail, qu'elle développe cette histoire, ce récit? Alors, ben, on fera le point avec elle en route vers la publication papier du tome 8 en deuxième moitié d'émission. Et en première moitié, ben, on fera le pont entre bande dessinée et musique à travers une bande dessinée absolument superbe qui vient d'arriver du côté des éditions La Mauvaise Tête. Sincèrement, pour moi, du côté québécois et en général, c'est vraiment un coup de cœur de fin d'année, une bande dessinée à quatre, un band de BD qui ont vraiment jammé ensemble pour proposer un récit qui est cohérent, qui intègre bien l'ensemble des styles et des univers qui est proposé dans des couleurs qui sont bien maîtrisées et dans un contexte où on réussit également à mettre de l'avant la notion de performance musicale et le ressenti qu'on peut avoir également face à la performance musicale. On vraiment fait une bande dessinée à mettre dans vos lectures estivales, c'est absolument certain, et on va en jaser dans quelques minutes avec Jimmy Beaulieu. Alors c'est le menu de l'émission, c'est les rencontres qu'on vous propose aujourd'hui à La Vie en BD. Évidemment, comme d'habitude, on commence l'émission avec quelques notules d'actualité. Notamment, c'est un peu incontournable de le mentionner. Promo 9e art qui est dévoilé la semaine dernière, vendredi dernier, des lauréats de la 19e édition des prix Bélilis. Des prix qui récompensent les meilleures bandes dessinées publiées ou diffusées au Québec au cours de l'année 2017. C'est une soirée qui est présentée du côté de Montréal. Alors, leur catégorie, donc première, Bélilis Québec. Donc, évidemment, un album dont l'auteur et l'éditeur est québécois. Alors, ça été Vogue La Valise, l'intégrale donc de Cyrus du côté des éditions La Pastèque, une bande dessinée qui a déjà reçu d'ailleurs quelques honneurs amplement mérités. Superbe proposition de Cyrus de mon côté. Le jury pour sa part dit tenir à souligner la force de suggestion du récit autobiographique qui, dit-on, maintient sans relâche l'intensité émotive sans jamais sombrer dans le mélodrame ou l'auto-apitoiement. Réalisme magique maintient l'œuvre dans une bulle qui ne se met pas nécessairement à distance le lecteur, mais qui lui permet de s'immerger dans le récit sans que cela laisse trop de séquelles. Alors, ben, j'entérine effectivement le superbe bande dessinée à lire absolument si vous en avez l'occasion. Et mention également, le jury du Bédélis Québec a donné une mention spéciale, un prix spécial à Moi aussi, je voulais l'emporter de Julie Delporte. Ils se disent, et je cite, « D'abord transporté par le dessin coloré et lumineux, les membres du jury ont par la suite été touchés par la démarche de l'autrice à partir d'un projet initié autour de la figure de Tove Jansson, la créatrice des Moomins. Delporte part ainsi à la recherche de modèle féminin dans la création, dans une tonalité intime. Il parle de récits fragmentés qu'on suit comme un courant de pensée qui rappelle l'esthétique du carnet et pose les germes d'une réflexion sur la place des femmes et sur les rôles qui leur ont été attribués. Alors voilà pour le prix BDLIS Québec. En ce qui concerne le BDLIS Monde, ça a été offert aux 100 nuits de héros d'Isabelle Greenberg chez Casterman. On parle ici d'une réécriture à caractère féministe des Mille et Une Nuits, dans laquelle l'autrice revisite le mythe des origines en montrant comment, dans un régime autoritaire dominé par des hommes, la résistance des femmes s'articule autour de la transmission de la parole. Un récit qui convoque donc de cette manière les contes et légendes de différentes traditions, avec des lignes tracées au pinceau, l'utilisation du numérique, donc ce qui a amené le jury à choisir ce titre. Troisième de quatre prix, le BDLIS Jeunesse, qui lui a été donné à Momo, le premier tome, une bande dessinée de Jonathan Garnier et Ronnie Hautin, c'est chez Casterman. Et eux parlent d'un dessin doux et coloré qui a rappelé le manga aux lectrices et lecteurs. Ils parlent d'une bande dessinée touchante, réaliste, drôle, qui illustre avec adresse la résilience autant que la fragilité des enfants qui doivent parfois composer avec des destins difficiles. Alors en fait, on parle donc d'une bande dessinée qui nous amène entre horaires de vie chamboulés, nouveaux camarades apprivoisés, donc un parcours pas toujours facile de cette jeune Momo. Et le dernier prix qui a été offert au BDLIS, c'est le BDLIS indépendant. Donc, vous le devinez, les auteurs d'autopublication qui ont été invités à fournir au jury, dans le fond, à mettre en candidature les ouvrages qu'ils ont proposés. Le jury a donc retenu la bande dessinée Contact de Mélanie Leclerc. Alors, pour plusieurs raisons, dit-on, je cite ici, d'une part, pour le portrait sans phare que l'autrice trace de son père, un des artisans de la grande époque de l'Office national du film, un homme au caractère rugueux qui a placé son travail artistique avant sa vie personnelle et qui a parfois dû en payer le prix, et d'autre part, parce que le livre raconte aussi avec humilité la transmission d'une passion, d'une certaine exigence, l'autrice reconnaissant chez son père un modèle qui l'a guidé dans son propre cheminement artistique. Alors, ben donc, voilà, pour ces prix BDLIS qui ont été remis, je le rappelle, vendredi dernier. Et nous, ben, là-dessus, on va s'en aller maintenant en musique. C'est la formation, en fait, Rudy Ramirez avec son album Canek Quest for Corn qui va nous accompagner au fil de l'émission d'aujourd'hui. On en écoute un premier extrait. Alors, toujours à l'écoute de La Vie en BD. Je vous rappelle d'ailleurs que vous pouvez toujours nous trouver sur Facebook, facebook.com/La Vie en BD. Et au fil de la saison estivale, évidemment, on ne lâchera pas ce médium. Donc, si jamais vous voulez voir un peu qu'est-ce qu'on publie, qu'est-ce qu'on offre autour de l'émission et autour de cette animation qu'on fait, eh bien, vous pouvez évidemment nous y trouver. Alors, tel que mentionné d'entrée de jeu, on est un peu en fin de parcours. Il y a de ces albums dont on tenait à parler avant justement que l'été parte. Il y en a plusieurs dont on aurait aimé parler. Je pense qu'il aurait fallu un mois et demi de plus de programmation pour faire le tour. On a déjà pas mal de matériel pour l'automne prochain. Mais personnellement, en fait, un petit coup de cœur que j'ai eu à la lecture, mais d'abord de la version web et maintenant en fait de la version papier qui a été offerte du côté de La Mauvaise Tête, d'une bande dessinée qui s'appelle De Concert. C'est de Jimmy Beaulieu, Sophie Bédard, Vincent Giard et St. John. Et donc, c'est une publication toute récente. On avait envie d'en jaser. On a convié Jimmy Beaulieu pour le faire. Jimmy, bonjour. Hey, bonjour, Raymond. Alors, ben justement, collaboration à quatre, ça s'est passé d'abord à l'été 2015, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse du projet? Pourquoi avoir envie de faire une BD à quatre comme ça? Ben, au tout début, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'achète pas mal de musique sur Bandcamp. Puis, il y a Michael Bardi, de Heavy Trip, qui est une agence de booking de spectacles, qui est aussi gérant de plusieurs groupes de musique, s'est aperçu que j'achetais la musique de ses poulains, ou en tout cas de son écurie. Puis, il m'a proposé, il m'a écrit, il m'a dit « Qu'est-ce qu'on fait ensemble de bord? » J'ai remarqué qu'il achetait la musique de pas mal de mes groupes. Donc, est-ce qu'on fait une affiche? Est-ce qu'on fait une pochette? Est-ce qu'on fait ci? Est-ce qu'on fait ça? Donc, est-ce qu'on collabore? On a échangé des idées un peu, puis on s'est arrêté sur, tiens, on va faire une série de strips assez légers, puis lui, il voulait faire ça pendant un été au quotidien. J'ai dit, au quotidien, ça va être un peu rough, on va le faire à 4 ou à 5, en tout cas, on va le faire pour chaque jour de la semaine, il y a quelqu'un qui va prendre le relais. Donc, j'ai convié quelques personnes, puis en parlant de nos envies, tout ça, on a dit, bon, plutôt que faire des strips, faisons des doubles pages, et ça va être intéressant dans la mesure où ça devient un livre. Donc, ça ressemble un peu à ça, ce qui s'est... Oui, puis ce qui est important de signaler aussi, parce qu'on pourrait avoir l'impression, quand on entend le descriptif comme ça, que c'est une bande dessinée, justement, il y a un peu une dynamique de relais, mais au contraire, vous avez été au-delà de ça pour vraiment développer ensemble le développement d'une histoire et que ça soit pas quatre histoires parallèles qui se déroulent dans le même concert, mais ouais. Donc de trouver un fil conducteur à la fois visuel et à la fois narratif pour ces histoires-là. Oui, ben c'est ça. On s'est dit, c'est quoi le Les écueils, c'est quoi les défauts de ces livres-là, de ce genre de projet-là? On voulait vraiment une lecture qui est rassasiante, qui n'est pas juste comme un exercice de style qui est intéressant pour nous. On voulait que ce soit intéressant pour le lecteur, la lectrice. C'est ça. On a vraiment fait une histoire assez bien scénarisée, assez bien préparée, sauf que ça, c'est l'histoire principale, mais en le faisant, on a improvisé beaucoup de choses. Donc, il fallait vraiment tout s'attendre, tu sais, pour faire nos prochaines pages, il fallait voir les pages précédentes faites par l'autre. Parce que, par exemple, tous les figurants reviennent d'un bout à l'autre. C'est un livre qui récompense beaucoup la personne patiente qui va chercher dans la foule. Ah, tiens, ce figurant-là, on le retrouve 10 pages plus tard, puis il y a une autre gueule parce qu'il y a plus bu de bière. En tout cas, il y a vraiment des petits gags comme ça. Qui ont été faites un peu plus de manière plus spontanée. Donc, je trouve qu'on a vraiment eu un bon équilibre entre la planification et la manière plus tactique, disons, de travailler, qui est plus improvisée. Et ce que je trouve intéressant dans le rendu visuel, c'est qu'évidemment, en fait, vous avez pas exactement le même style les quatre côté dessin, mais l'idée, c'est justement, c'est pas de ça m'a pas semblé de s'imiter mutuellement, mais d'assumer chacun les différences dans le style, mais en même temps d'y aller avec quand même quelque chose d'assez uni côté environnement de couleurs. En fait, c'est les oranges, les bleus, les blancs, les noirs, oui, qui dominent, et c'est un peu à travers la couleur que visuellement on sent qu'on est dans le même livre, dans, au bout du compte, une même histoire collective. Oui, ben c'est ça. Ben, tu as bien compris c'est quoi notre intérêt là-dedans. C'est que justement, on voulait pas que ça ait l'air trop pizza. On voulait quand même que ce soit quatre points de vue, mais quatre points de vue dans le même univers, sur la même planète. Donc, on s'est tout de suite décidé de faire ça dans une palette de couleurs limitée. C'est deux couleurs, hein, c'est seulement orange et bleu, qui, mélangées à divers degrés, donnent une palette un peu plus large. Mais c'est ça, on voulait quand même qu'il y ait une unité, qu'il y ait une atmosphère, puis que, tu sais, comme moi, quand je parle de deux concerts, quand je pense à deux concerts, il y a tout de suite ces deux couleurs-là qui me popent dans le cerveau. Donc, c'est un peu ce qu'on voulait faire. Et donc, dans ce contexte-là, évidemment, il y a l'histoire, il y a le récit, et il y a aussi, je pense qu'on peut pas passer à côté, la musique, et de réussir à trouver comment rendre l'expérience musicale, parce que c'est le point de départ du projet, tu l'as mentionné, c'est d'abord l'expérience musicale, oui, que tu avais et que les autres ont aussi visiblement. Donc, comment ça s'est passé pour réussir à rendre cette expérience-là, la dynamique de concert à proprement parler? Ben, c'est ça, je trouve ça bien fun parce qu'on a, les quatre ont vraiment apporté un élément bien intéressant, très distinct, c'est-à-dire que moi, ben, je vais voir beaucoup, beaucoup de concerts, donc j'ai des anecdotes. Donc, j'ai fait une histoire un peu autobiographique trafiquée. Sophie Bédard, elle a fait vraiment plus une histoire basée sur un vrai personnage avec des dialogues, avec des monologues, avec vraiment plus une comédie de situation, disons. Saint-Jean a fait vraiment plus une espèce de crescendo de party, d'apothéose de party, là. C'est vraiment comme un gars de party déchaîné. Mm-hmm. Puis Vincent a amené cette espèce de, justement, ce dont tu parles, cette espèce de regard abstrait sur la musique. Comment exprimer, tu sais, à un moment donné, il y a la grosse vague avec, quand le show est terminé, il y a une grande vague orange dans laquelle les gens baignent, tu sais, au début, tout le monde est dans le fond de la salle, et quand la musique commence, le monde se rapproche du stage. Tu sais, c'est souvent des observations assez géométriques, senties. C'est beaucoup sur le ressenti, sur en tout cas, comment l'exprimer visuellement. Je trouve ça nettement plus efficace, sa manière de le faire, que quand on dessine, tu sais, des musiciens, des guitaristes en extase ou des saxophonistes tout cabrés en train de triper sur leur instrument. Mais, tu sais, quand on dessine ça, souvent, ça fait un peu quétaine, ça fait un peu ringard. Je trouve que la manière que Vincent a réussi à transmettre visuellement la musique, c'est très, très, très, très efficace, très fort. Oui, puis ça nous amène, tu te parlais d'une apothéose, je pense qu'elle arrive presque, sans dévoiler là, trop, mais aux deux tiers dans le fond du récit avec le concert, et après, ben c'est comme la suite, le décrescendo qui arrive peut-être un peu plus rapidement sur un peu moins d'espace, donc on est vraiment, en fait, on établit progressivement toute cette ambiance-là, donc à la limite, en fait, d'arriver, de réussir à arriver à cette apothéose-là, c'est aussi toute la préparation, la montée qui est venue en avant, qui prépare le lecteur peut-être aussi à ce moment-là. Oui, ben c'est ça. On a vraiment, c'est ce qu'on voulait. On voulait rendre ça ce côté rythmique-là d'une soirée de concert où tu t'en vas vivre une expérience assez forte, personnelle. C'est assez intime là, de sentir des émotions, de danser avec un paquet d'inconnus. Donc au début, c'est un petit peu malaisant. On est tous un peu plantés dans notre coin, tout ça. Puis à un moment donné, la musique adoucit les mœurs et nous permet d'échanger un peu plus, de nous parler un peu plus. L'énergie monte, puis après ça, il y a l'espèce de l'expression anglaise me vient, le release, en tout cas, le relâchement, qui vient après, où on rentre chez soi, tous un peu ivres du bonheur que nous a amené la musique. En tout cas. Donc, on voulait vraiment parler de cette histoire-là, qui, ça l'a connu mille millions de fois, là, mais la raconter à quatre, donc ça avait bien du sens. Et si on parle de ton récit à toi, justement, à l'intérieur de ce quatuor-là, tu parlais justement de... On est un peu dans une autofiction, on va chercher des anecdotes de tes expériences de spectacle, dans le contexte d'un personnage aussi qui est tous tes défauts exacerbés, en fait, un côté à la fois humoristique et triste à ce personnage-là, où, dans le fond, pour lui, l'enjeu, j'ai l'impression qu'à un moment donné, il en devient tellement obsédé par ses propres angoisses que, comme lecteur, je me demandais s'il allait réussir justement à profiter de l'instant présent puis à arrêter justement d'être pris dans le regard des autres et dans la perception qu'il a de lui-même. Oui. Ben ça, écoute, c'est vrai. C'est très, très autobiographique. C'est un peu pourquoi je veux voir des shows, parce que justement, ça me sort de... Quand c'est un bon show, tu sais, puis il y a vraiment de la magie, là, puis t'arrives vraiment à embarquer, puis c'est... En tout cas, justement, on peut en parler sans trop dévoiler de punch. C'est pas vraiment un livre à punch, là, mais justement, le fait que même quelqu'un qui est super aigri, rébarbatif ou tout ça, en tout cas, bon, c'est j'ai un peu exagéré mes angoisses, mais même ça peut être comme c'est un peu le côté rédempteur de la musique, là, justement, quand un bon show réussit avec du bon monde, t'as du fun, tu sais, donc mon avatar, mon personnage, après le show, est vraiment très, très optimiste et en tout cas, il parle avec la fille qui est à la table de vente, tout ça, il est complètement excité. Donc, il retrouve un peu de son enthousiasme et de, je sais pas comment dire, son cœur d'enfant. Et j'imagine que ça devenait important, je pense qu'on a te parlé un peu des personnages des autres, que chaque histoire puisse se dérouler dans la même réalité, mais amène aussi un élément archétypal au départ, qui est peut-être un peu différent des autres, qu'on sente aussi les quatre personnalités très fortes, dans le fond, derrière chacun des personnages. Oui, ben c'est ça. Je trouve ça, c'était plus ou moins prévu. T'sais, on avait prévu un peu ce qui allait se passer avec les personnages, puis tout ça, mais justement, la densité, puis le côté incarné des personnages nous a un peu pris par surprise. Là, ils fonctionnent, t'sais, ces personnages-là, alors que bon, c'est un projet quand même qu'on voulait bien faire, mais qu'on prenait quand même un peu à la légère au début, puis on s'est vraiment surpris de tous s'investir tant que ça. C'est quand on a vu en fait les premières planches de Saint-Jean, on a dit comme oh là là, il va falloir mettre le paquet. C'est je sais pas ce que je veux dire, mais ces planches sont extrêmement bien dessinées, c'est vraiment très franco-belge, bien mis en page, tout ça, puis on s'est tout regardé, ça fait 20 ans, moi j'ai dit ah OK, la barre va être haute comme ça, t'sais, on pensait faire ça un petit peu vite. Donc, c'est tout beaucoup dépassé, en tout cas visuellement, sur ce projet-là. On dessinait tous et tout un petit peu mieux à la fin qu'au début. Donc, d'une certaine manière, en fait, c'est un peu de se dire, on collabore ensemble, on est en groupe, on se tire un peu vers le haut, puis c'est ce qui fait peut-être un peu l'intérêt aussi de collaborer, de un peu cette entre guillemets compétition-là, à dire, ben, OK, t'as fait une belle page, je vais t'accoter, je vais te relancer avec quelque chose, avec tel élément de mise en scène, puis après ça, de jouer un peu avec cette dynamique-là? Ben oui, tout à fait, mais ça, c'est quelque chose qui... que j'ai un petit peu vécu en bande dessinée, je dirais, au début de Mécanique Générale, avec quand on était une écurie de 6, hein, il y avait un peu ce truc-là de compétition intéressante. Mais en musique, quand j'ai fait de la musique, moi, j'ai énormément appris en collaborant. J'aime beaucoup collaborer en musique. En bande dessinée, je le fais beaucoup moins. J'aime beaucoup moins ça. Pour moi, c'est quand même quelque chose qui prend tout son sens quand on le fait de manière solitaire et intime. Mais une fois de temps en temps, sortir de cette espèce de sillon-là, pour rester dans les métaphores musicales, mais sortir de ce sillon-là, puis d'aller justement se confronter à une collaboration avec d'autres mondes, c'est ça nous apprend énormément. Ça m'est arrivé aussi quand j'ai travaillé sur un scénario d'Émile Bravo, aussi, ça m'a énormément appris sur « Ah, tiens, c'est comme ça qu'on fait une bonne histoire. Hein. » Donc, je recommande ça à tout le monde de faire ça. Quelquefois, quand même, ne faire que ça, je pense que c'est un peu épuisant. C'est très, très, très difficile. On fait un peu plus de compromis. Et, en tout cas, je pense que chacun, on est sorti de cette expérience-là en se disant, bon, okay, on va prendre un break, là, on refera pas ça demain matin. Mais on est très, très, très content de le résultat. Et justement, le groupe, en fait, est-ce qu'il s'est formé autour du projet? Est-ce que c'est des gens avec qui vous avez envie de collaborer ensemble? Vous collaboriez déjà? Est-ce que vous étiez déjà des... vous cherchiez une opportunité de collaboration? Pourquoi ces quatre-là, dans le fond? Ben, c'est un peu... Saint-Jean était en résidence à Montréal à ce moment-là. Il avait déjà collaboré avec Vincent. Sophie et Vincent avaient déjà collaboré. Puis il y avait... C'est des gens qui travaillaient ensemble dans un atelier que moi, je travaillais chez moi, mais j'étais assez souvent à cet atelier-là aussi. Donc, il y avait quand même un truc de proximité, mais aussi c'est une envie esthétique de voir qu'est-ce que ça donnerait, là, ces quatre voix-là ensemble. C'est une belle harmonie. Oui, mais en fait, puis on en revient au style aussi où, justement, en fait, c'est Sophie reste avec son style un peu, bon, qu'on a vu dans ses bandes dessinées, un peu les personnages de type manga, pourrait-on dire. De ton côté, on sent aussi, bon, ton trait peut-être pré et post rôle de composition, parce qu'on dirait que la couleur fait ressortir un peu le côté design, mais en même temps avec un trait plus croquis de tes albums précédents. Donc, c'est dans le fond aussi de... Est-ce qu'on a dû faire un peu de compromis, justement, dans le style ou dans les éléments, tout le moins, parce que je parlais tout à l'heure qu'on assume quand même beaucoup la différence, mais d'un autre côté, on en vient à intégrer les quatre personnages, ou presque, dans certaines des planches. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, il faut en venir à progressivement peut-être faire des compromis. Oui, moi, ils m'ont fait changer parce que des personnages que j'avais dessinés, ils étaient tous un peu trop méchants ou aigris. Je pense qu'en tout cas, je dois avoir un petit peu tout de poison dans mon âme. Puis ils m'ont tous dit, ben voyons, fais-le un peu plus joyeux, faisait un petit sourire, ou ils m'ont fait changer les dialogues. Donc c'est ça. Quand je prenais les personnages des autres, tout ça, donc chacun veillait un peu à comment le personnage de son propre personnage était interprété par l'autre. Mais c'était pas des compromis, chiants ou quoi que ce soit. Ça a vraiment tout aidé le bouquin là, de justement comprendre c'est quoi l'intention de l'autre, tout ça. C'est vraiment. Ça a été un bel exercice d'écoute, là, comme quand tu jammes, là, quand tu fais de la musique. Il fallait apprendre à écouter l'autre. Là, puis, c'est toujours enrichissant. Oui, et ça fait des entrevues où on ne sort jamais vraiment des comparaisons musicales. Ah. Oui. Pas. Et en terminant, désolé. Jimmy... non, c'est bien correct. Et en terminant, Jimmy, le projet web au départ, projet papier, c'était dans les cartons dès le départ, justement, de le sortir en version physique. Est-ce qu'il a fallu aussi faire pas mal de modifications pour dans la mise en page, la mise en forme aussi, du passage d'un médium à l'autre? Ben, comme on l'imaginait déjà en double page dans le livre, on a vraiment travaillé pour ça. Donc, normalement, on n'aurait pas dû avoir énormément de modifications à faire, mais dans la préparation des fichiers, ça, c'est Vincent Giard qui a fait tout ça. Ça a été tout un casse-tête de livrer ça à l'imprimeur avec tous les dégradés qu'on a fait en bichromie. En tout cas, on n'embarquera pas dans la soupe technique, mais ça a été extrêmement difficile à préparer les fichiers pour l'impression, mais bon, Vincent a vraiment bien fait son travail. Et en terminant, est-ce qu'on va reformer? Tu disais, en fait, on se donne une pause, on ferait pas ça à chaque semaine ou à chaque été, mais est-ce Ouais. qu'éventuellement on reforme le groupe ou tu vas te partir un nouveau groupe? Ah, qui sait? Ben oui, c'est une expérience. Moi, j'avais déjà fait un truc qui était un peu un embryon de ça, qui était le pitcher passe à Sablon en 2001 avec Mécanique Générale au tout début. Donc, qui sait, je referai peut-être ça sur un autre sujet avec une autre équipe ou avec cette équipe-là un jour. Donc, qui sait, seul l'avenir le dira, mais peut-être pas demain matin. Je pense Non, qu'on va faire un livre solo chacun à part. en fait, si on y va avec la référence, pour l'instant, c'est une fois ou 14 ans. Donc, Oui. C'est bon. ça sera à suivre pour le reste. Et Ouais. Jimmy Beaulieu, merci beaucoup. Merci, Ramon. Et bonne fin de Festival BD de Montréal. Et à toi donc, Merci. enfin, bonne fin de l'émission. Oui, merci. Bye. Bye-bye. Alors, voilà, ben, enfin, on le rejoignait justement, Jimmy, du côté du Festival BD de Montréal. Et je vous rappelle, en fait, la bande dessinée s'appelle De concert. C'est de Sophie Bédard, Vincent Giard, Saint-John et Jimmy Beaulieu. Et c'est du côté des éditions La Mauvaise Tête. Écoute de la vie en BD, toujours Rudy Ramirez qui nous accompagne au fil de cette dernière édition de la saison 2017-2018. Petit commentaire BD au passage, en fait, rattrapage peut-être un brin, un Valérian Vuppard que j'ai reçu il y a quelque temps, Shingu's Lose Inc. Donc, aventure de Valérian et Laureline à travers le regard de Wilfried Lupano et de Mathieu Lauffray. Donc, dans le contexte de ces réinterprétations de personnages classiques, donc après Lucky Luke Vuppard, Spirou Vuppart, ben Valérian Vuppart, donc il y en a eu quelques-uns. Et généralement, ça donne des trucs assez intéressants. Je dirais, pour l'instant, de manière générale, je n'ai pas l'impression d'avoir été déçu par l'une des interprétations d'une ou l'autre de ces séries-là. Évidemment, il y a des petits moments de grâce qui nous sont offerts, il y en a d'autres qui sont efficace, mais sans plus nécessairement, mais ça reste quand même un concept que je trouve assez sympathique. Évidemment qu'il va parler peut-être doublement aux fans, puisque les auteurs, on sent, en fait, ils ont un amour, un intérêt, un plaisir évident à rendre un peu ce regard sur ces personnages classiques. Et dans ce cas-ci, ben, le Valérian, évidemment, de Pierre Christin et Jean-Claude Mézières. Alors, on retrouve Valérian et Laureline qui sont, au départ de l'histoire, à la recherche d'un des cybercriminels les plus dangereux de la planète, un robot qui s'appelle Zippon, un roi donc des arnaques, on pourrait dire, donc, qui réussit à ouvrir à la seconde plein de compagnies. C'est un paradis fiscal à lui seul, pourrait-on dire. Donc, ils réussissent à le débusquer et en parallèle, ben, on apprend d'autres moments qu'il y aura quelque chose qui va commencer avec un ton bleu. Et de là, ben, ça déboule, si on peut dire. Donc, d'un côté, Zippon, de l'autre côté, le ton bleu. Il y a les Shingu's qui arrivent en catastrophe avec Monsieur Albert à leur trousse pour une raison qu'on ne connaît pas. On tombe dans une dynamique de voyage dans le temps. On tombe dans une dynamique de mission interplanétaire. On parle de propriété de soi-même et de ses gènes. On parle de propriété de planète. Donc ça déboule. Quand je dis ça déboule, c'est vrai. C'est vraiment un album qui se passe à un rythme effréné. Une anecdote, un événement, une situation n'attend pas l'autre. Donc c'est extrêmement rythmé. À la limite, j'aurais envie de dire, c'est essoufflant à lire, mais dans le bon sens. On le prend et sincèrement, je vous mets au défi de déposer cet album-là ou d'arriver à le déposer, de trouver un moment dans l'album où vous pouvez tout simplement reprendre votre souffle. Évidemment, il y en a quand même quelques-uns, donc des paysages, des éléments qui viennent nous placer, contextualiser ce qu'on découvre. Faut quand même respirer une fois de temps en temps. On parle quand même d'un album classique de bon format, mais sincèrement, je reviens avec ça, mais ça déboule joyeusement. Donc, Wilfried Lupano, évidemment qu'on connaît, moult scénarios très efficaces qu'il nous a offert au fil du temps. Mathieu Lauffray, dessinateur de Long John Silver, entre autres. Et donc, on a cette histoire pleine de rebondissements dans un contexte de dessin réaliste, semi-réaliste, mais très souple en même temps, qui est agréable à regarder, qui cadre bien les expressions, les paysages, les créatures qu'on rencontre. Il y a beaucoup d'humour là-dedans, beaucoup d'ironie, beaucoup de mordant. Rien qui va vous faire rire à gorge déployée, mais tout est là pour rendre la lecture véritablement et profondément agréable. Les situations, évidemment, je parlais d'un ton bleu tout à l'heure, de voyage dans le temps, enfin, il y a un saumon quantique. Donc, vous voyez le genre aussi de situation, ces genres de récits qui, moi qui ai peut-être un peu moins le bagage valérien que d'autres lecteurs, je me sentais un peu dans un côté Douglas Adams dans certains des éléments qu'on amenait, dans la folie et l'absurde qu'on amenait dans ce récit-là. Donc, pour moi, cette référence-là, c'est du très bon aussi. Donc, ça s'enchaîne rapidement. Les répliques restent très dynamiques, très naturelles. Et avec aussi une dose d'actualité, justement, sur la propriété de soi-même, sur les questionnements environnementaux. Il reste donc qui conserve aussi cet aspect de la bande dessinée originale de Valérian, qui avait aussi une dimension sociale, une dimension environnementale. Donc, ça donne un bel équilibre. Évidemment, le problème ou l'élément, c'est peut-être que, ben justement, on ne peut pas la déposer. Alors, on la lit rapidement. C'est le genre de BD qu'il faut relire une fois, deux fois pour échapper le moins d'informations et d'éléments possibles parce que ça déboule. Et donc, vraiment, en fait, c'est quelque chose que je ne me gênerais point de vous recommander. Je pense que vous le sentez bien dans ce que je vous en dis de manière éparse. Alors, je vous rappelle le titre, en fait, c'est Valérian vu par, c'est Shingo's Loose Ink de donc Wilfried Lupano et Mathieu Lauffray. Alors, on repart toujours en musique ici à La Vie en BD. Dernière demi-heure de cette dernière émission, je le rappelle, de La Vie en BD. La semaine prochaine, c'est CKRL 89.1, début de sa saison estivale 2018. Et ben, on l'espère bien être de retour donc l'automne prochain pour une nouvelle saison, une nouvelle série d'émissions qu'on aura le plaisir de vous proposer ici au 89.1. Et parlant de plaisir, en fait, des fois, il y a des choses qu'on prend un peu pour acquis et finalement, on se rend compte, avec le recul, qu'on n'en a vraiment pas souvent parlé en ondes. Et pourtant, des séries que je lis sur le web de manière régulière, récurrente, entre autres les boomeries, justement, de Boom, qui sont offerts de manière régulière et très fiable sur Internet et en parallèle également en version papier. Il y a un tome 8 des Boomeries qui est apparu en fait du côté du Festival BD de Montréal et on s'est dit, ben, profitons de l'occasion et profitons également du festival pour jaser un peu avec Boom de justement cette série Boomerie. Boom, bonjour. Allô? Alors, en fait, peut-être contextualisons un peu. Tu tiens cette série-là, si je me trompe pas, en fait, ça fait depuis 2011, depuis une expérience dans un Harley Comic Day qui t'a amené, dans le fond, à décider de te lancer avec le médium BD et à tenir, au bout du compte, pendant déjà plus de 7 ans, cette série-là. Oui, ben c'est exactement ça. Moi, dans ma tête, je m'embarquais pour un truc d'un jour. Ah, ben finalement, j'ai du fun, ça a l'air. Oui, en fait, j'imagine, en fait, dans le contexte comme ça, je trouve c'est quand même intense de réussir rapidement à trouver comme ça un créneau et un style aussi dans lequel t'es tombé, j'ai l'impression, assez naturellement. Ben oui, en fait, j'ai probablement l'Internet à remercier pour ça, parce que le Howley Comic Day, que si les gens ne savent pas, c'est une journée dans l'année où des BDistes de partout dans le monde font un strip par heure pour raconter leur journée. Moi, j'avais décidé, moi, je faisais pas de BD à l'époque, j'étais en dessin animé seulement. Puis je m'étais dit, bah, ça m'engage à rien, c'est une journée, je vais faire des petits strips, je vais trouver les affaires cocasses de ma journée, puis je vais faire de la BD là-dessus. Puis je les ai toutes mises sur Internet, live, là, je les mettais sur Twitter. Puis à la fin de la journée, moi, je me disais, bon, ben, j'ai fini, c'est cool, c'était le fun, j'ai eu du fun. Mais Twitter me disait, non, on t'a trouvé ton créneau, on a vraiment eu du fun, on en veut plus, tu devrais continuer. Fait que j'étais un petit peu surprise, mais finalement, j'ai testé, je l'ai parti en webcomic ensuite, donc régulièrement, 3 fois par semaine. Puis je m'étais dit, bon, ben j'arrête ça quand j'ai plus de fun. Puis ben, finalement, là, je sais pas quand est-ce que je vais arrêter, là, parce que là, j'ai du matériel infini, j'ai eu des enfants en chemin. Puis ben là, c'est ça. Je vais avoir l'impression à l'avenir que n'importe quelle anecdote drôle qui m'arrive, si j'en fais pas une BD, ça va être du gaspillage. Oui, ben en fait, même à te lire des fois, ça donne l'impression que tes anecdotes drôles comme ça, tu les vis et tu les mets en page ou en strip au fur et à mesure ou immédiatement après l'avoir vécu, là, c'est... Oui, ben j'ai une liste, là. Je les prends en note, puis après ça, celle qui m'inspire le plus au moment de réaliser une BD, ben je prends celle-là. Normalement, quand il m'arrive quelque chose de très drôle, c'est la prochaine BD que je fais d'habitude. Là, je la mets sur le top de la liste. Là. Oui, puis est-ce que ça devient un réflexe, justement, parce que côté mise en scène, ouais, qu'on les imagine rapidement, justement, en 4 cases, avec l'entrée, la chute et le reste? Ben, je suis rendue experte, là, à ça, je dirais. Quand quelque chose de drôle m'arrive, tout de suite, je le vois découpé en 4 cases, puis je sais déjà comment je vais amener le sujet. Tu sais, c'est assez fidèle à la réalité. Là, je fais un léger travail de synthèse, de contexte, des fois, si c'est une affaire de conversation ou peu importe. Fait que je fais une espèce de mini-mise en situation, mais sinon, le reste, c'est plutôt tel quel. Il y a des gens qui me croient pas, mais oui, je vous le jure, j'ai pas une vie extraordinaire. Je pense que je suis juste rendue... bonne et habile pour découper ça en 4 cases. Là, je suis rendue à... J'ai passé le cap des 1300 strips récemment, fait que j'ai un petit peu de pratique. Et j'imagine, en fait, bonne à faire la mise en scène en 4 pages, et puis bonne aussi, peut-être, à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire ou le petit moment qui rend la journée un peu moins ordinaire, peut-être aussi. Ben oui, j'imagine. C'est ce qui m'amuse aussi, c'est ce que je lis beaucoup. Dans le fond, je suis comme mon propre public. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce genre de petites anecdotes. C'est ordinaire, finalement. Fait que la BD que je consomme le plus, c'est l'autobio. Il y en a beaucoup sur Internet, dans le fond. C'est que je baigne là-dedans tout le temps, puis ben, je trouve ça inspirant. Oui, puis en même temps, de voir aussi, ben, en fait, parce que ta BD, au fil des 1300 strips, tu l'as dit tantôt, elle a progressé. Il y a eu des moments où ça devenait un peu, parce que c'est pas tout... Pas toujours exactement sur le même thème pendant les grandes phases, mais c'est devenu un peu une BD sur la grossesse, sur une grossesse qui n'était pas toujours facile. Là, les enfants prennent beaucoup de place, donc il y a un côté très familial à travers d'autres thématiques. Donc, il y a des couleurs aussi comme ça qui se développent puis qui viennent teinter peut-être des périodes justement du strip aussi. Ben oui, j'imagine que si j'avais pas eu d'enfants, j'ai quand même fait 2 albums complets avant d'avoir des enfants. Si j'en avais pas eu, j'aurais sûrement fait le tour, j'aurais arrêté. C'est justement les enfants qui ont apporté tellement un gros renouveau puis du matériel infini que là, je suis pas sûre quand est-ce que je vais pouvoir arrêter, là, finalement. Puis ben, je trouve ça intéressant. Moi, j'en fais tellement que j'oublie les sujets qui ressortent. Après ça, si je me relis 2-3 ans plus tard, ben là, j'ai toutes sortes de souvenirs de la très petite enfance de ma plus vieille qui est déjà encore petite, mais bon, en tout cas, bébé. des affaires que j'avais oubliées, des périodes, des choses que je faisais. Je trouve ça super intéressant. J'avais tellement pas travaillé ça comme ça pour faire une espèce d'archive de la petite enfance de mes deux filles, mais finalement, c'est ça que c'est quand même. Puis j'espère, j'imagine, là, je vois mal comment ça pourrait les contrarier. Rendus adultes, là, ils vont pouvoir relire ça, puis redécouvrir leur enfance que j'ai pas pu filmer. On peut pas tout filmer tout le temps, hein? Mais j'enregistre ça autrement. Oui, puis justement, est-ce qu'ils ont cette conscience-là que tu dessines, que c'est eux, parfois, qui sont justement comme ça en vedette dans tes strips, ou même souvent, en fait? Est-ce qu'ils ont cette conscience-là de ton travail? Ma plus jeune, je pense qu'elle nous reconnaît, mais elle a juste 2 ans, donc elle comprend pas tout à fait c'est quoi que ça implique. Ma plus vieille est tout à fait au courant que c'est des histoires avec nous dedans. Mais là, c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce qu'aujourd'hui, au Festival de BD de Montréal, j'ai amené ma plus vieille pendant la moitié de ma journée. Elle était comme mon assistante. Puis là, elle devait trouver ça bizarre que tout le monde connaissait son nom. Elle avait l'air de me dire, pourquoi je suis supposée les connaître, moi? Pourquoi ils connaissent tous mon nom? Puis là, je pense qu'elle a compris qu'il y a d'autres gens qui lisent la BD. J'y ai pas caché ça, mais j'ai été petite, là. Dans le fond, elle a pensé que mon travail, c'était juste de dessiner à journée longue, pas nécessairement d'aller rencontrer des gens puis de vendre des livres de mes bandes dessinées. Ça vient drôle. Je pense qu'ils sont encore un peu petites, mais là, ma plus vieille, elle a commencé à comprendre là, aujourd'hui. Il s'est passé quelque chose. Oui, parce que j'imagine, en fait, qu'il doit y avoir une dynamique particulière quand on se raconte comme ça. Et depuis longtemps, en fait, tu parles de 1300 strips, on parle de 7-8 ans de travail, en fait, 7 ans. Et dans le fond, d'une convention à l'autre, d'un salon à l'autre, les gens qui te croisent ont évolué aussi avec toi, t'ont vu évoluer, t'ont vu grandir dans ton strip. Donc, ça doit donner une relation particulière, si on peut dire, avec ses lecteurs. Ben oui, j'ai des lecteurs, des fois, un peu trop enthousiastes qui arrivent devant ma table et qui cherchent un moyen absolument pour se ramasser dans ma BD. Je vais donner un truc dès le départ. Forcez pas, ça devient plate. Moi, quand les gens commencent à chercher là, désespérément, ça marche pas. Là, je vais pas faire une BD là-dessus, ça me tombera pas. Moi, j'aime ce qui arrive spontanément. Quand c'est trop forcé, c'est plate pour tout le monde, même pour le lecteur. Hein. Mais je fais aussi de la BD sur les festivals et les conventions quand il y a des gens bizarres qui se pointent à ma table. Quand je m'assure qu'il n'ait pas pris ma carte pour pas qu'il se retrouve, même si ça m'est arrivé. Ah oui? C'est en passant. Ah oui. Mais j'ai pas eu trop de problèmes avec ça. Enfin, je riais pas de la personne, je riais de la situation, puis quand ils se sont quand même retrouvés, ça m'a fait un petit peu peur, mais comme je les avais pas, tu sais, j'avais pas ri d'eux. C'était correct. Oui, ou même, en fait, j'imagine, dans d'autres sujets plus moins légers, on parlait de grossesse tantôt, j'imagine que dans des situations comme ça aussi, c'est à l'inverse des gens qui se reconnaissent parce qu'ils ont passé à travers des défis similaires, par exemple. Oui, ça m'est arrivé. Je pensais jamais que ça allait m'arriver, mais j'ai eu des femmes enceintes qui arrivaient à ma table, des fois en pleurant, en disant à quel point ça leur avait fait du bien de lire ma BD. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est léger, là. Je traite pas de postpartum ou de choses comme ça, mais j'ai eu des grossesses difficiles. Puis faire de la BD là-dessus, puis d'en rire, ça m'aidait à passer au travers. Puis, ben, sans le savoir, j'ai aidé d'autres personnes à passer à travers leur grossesse aussi. Puis quand ils viennent me le dire, moi, c'est tellement un beau cadeau, un beau compliment. J'avais jamais pensé avoir cette influence-là sur quiconque avec ma petite BD. Oui, puis j'imagine, en fait, dans des contextes comme ça, où la BD est aussi disponible en anglais, donc des fois, selon les régions, on sort un peu des zones, puis on se rend compte que le web a disséminé ça assez largement aussi. Oui, mais là, comme par exemple, la semaine passée, j'étais à Vancouver pour le Vancouver Comic Arts Festival. C'était très cool. Puis ben là, j'avais des gens qui venaient d'Australie, qui venaient me dire « Ah, j'aime vraiment ça, je vais t'acheter des livres, je peux pas croire que t'es ici. » Puis là, moi, j'avais envie de leur dire « Mais je peux pas croire que vous êtes ici et que vous êtes en train de me dire ça. » Je vends des livres par Internet, j'en vends pas beaucoup, c'est pas la majorité de mes ventes, mais j'en ai vendu sur presque tous les continents, c'est-à-dire à part l'Antarctique, c'est quand même pas pire. Oui, puis dans le contexte aussi où j'imagine, en fait, bon, il y a le côté webcomic, il y a la durée de vie qui donne un coup de pouce parce que il y a du stock, il y a du matériel et les lecteurs semblent rester, de j'imagine, et en parallèle aussi, il y a une régularité quand même que tu tiens depuis longtemps, là. Franchement, je t'ai pas vu rater souvent de mise à jour, là. J'en ai raté une seule et c'était le jour de l'accouchement de ma plus vieille. J'avais pas programmé de BD cette journée-là. C'est une bonne excuse quand même. Oui, ben c'est ça. Mais dès que je suis rentrée de l'hôpital, je l'ai quand même mis. Elle existait, la BD. Là. Il y en avait une, elle n'était juste pas à jour. La bonne journée. Fait que ça, c'est la seule et unique. À ma deuxième grossesse, j'avais prévu le coup, puis j'ai pris mon congé avant. Puis quand je pars en maternité, si on veut, je m'arrange tout le temps pour avoir des artistes invités qui font une petite BD, que ce soit une parodie de Boomery avec moi dedans ou une tranche de leur propre vie, qui est dans le fond comme leur Boomery à eux. Fait que j'ai quand même eu du matériel qui était mis à jour pendant peut-être 2 mois après. Fait que ça me permettait de prendre un petit congé puis de rembarquer dans une certaine routine avec un nouvel être humain dans ma maison. Mm-hmm. Mais c'est bref, c'est ça. J'en ai manqué juste une. Mes gens me félicitent beaucoup pour ça. Je suis très assidue en général. J'aime pas ça rater des mises à jour. Là. Je me sens coupable, c'est ridicule, là, mais comme si je leur devais quelque chose. Mais je me sens quand même. J'imagine que c'est comme ça qu'on s'impose un rythme de travail aussi. Ben, c'est ça qui fait que je suis capable de continuer les Boomeries, je pense. C'est que mais là, ça fait tellement longtemps que je fais ça que c'est ancré dans ma routine. Puis ça me prend pas beaucoup de temps de faire un strip. C'est à peu près 20 minutes, une demi-heure, là, si je sais où est-ce que je m'en vais. Fait que ça se glisse bien dans une vie compliquée de parents à la maison. Mais bref, je suis tellement habituée. Je suis jamais en retard. J'ai ce qu'on appelle un buffer. En anglais, j'ai des BD prêtes jusqu'à la semaine prochaine parce que là, en ce moment, je peux pas en faire parce que je suis pas chez nous, parce que je suis au Festival de BD de Montréal. Donc, je m'arrange. Ça fait partie de ma vie maintenant. C'est pour ça que je me vois mal arrêtée. Je voudrais que je vais être perdue. Mais on verra. Là. C'est sûr que je ferai pas ça toute ma vie, mais pour l'instant, j'ai beaucoup de plaisir. Puis je m'étais dit que je continuerais. Et justement, en parallèle, en fait, tu disais, bon, côté vente de livres, donc c'est surtout dans les événements, les conventions un peu en ligne. Tu as mis aussi en place des éléments comme Patreon et d'autres. Est-ce que tu as l'impression qu'on peut arriver à aller chercher, ben justement, à équivaloir, parce que tu as choisi l'auto-édition, tu as choisi le numérique, donc à équivaloir peut-être un contexte d'édition avec ce type de support-là? Ben, je me débrouille. C'est sûr que là, j'ai pas la distribution d'un projet édité. Les livres qu'il y a dans mes librairies, surtout à Montréal, il n'y en a pas vraiment ailleurs, parce que c'est moi qui est allée là, avec mon sac à dos, ma boîte de livres. Est-ce que vous voulez prendre mon livre en consignation? Fait que c'est sûr que au niveau de distribution, je suis un petit peu perdante. Mais les Boomeries, dans le sens, c'est tellement personnel. Ça, c'est ma vie, c'est mes enfants. Puis j'avais un lectorat anglophone avant même de me lancer là-dedans. Je suis sur Internet depuis tellement longtemps, là, sur des plateformes qui sont pratiquement désuètes aujourd'hui, là, comme DeviantArt, puis LiveJournal, ce genre d'affaires-là. Oui, ça dit mon âge un petit peu. fait que j'avais déjà plein d'amis qui parlaient seulement anglais. Fait que c'est pour ça que dès le départ, j'étais anglais et français. Puis en tout cas, j'ai jamais pensé prendre le tournant français seulement, tellement que j'étais certaine d'avoir un lectorat anglophone. Mais fait que pour ça, j'aime mieux gérer ça moi-même pour ce projet-là. Pour d'autres projets, là, j'ai fait la petite révolution qui est chez Front Froid. Là, maintenant, elle existe en anglais chez Soaring Penguin Press, qui sont en Grande-Bretagne. Mm-hmm. Les Boomeries, je vais gérer ça moi-même. Peut-être qu'un jour, dans le meilleur des mondes, j'aimerais bien, quand j'aurai fini, arrêter les Boomeries, j'aimerais bien qu'il y ait une intégrale. Mais peut-être que pour ça, je chercherai un éditeur parce que ça va être pas mal de gros jobs de mise en page puis de gros bouquins chers à imprimer. Fait que un 20 ans de Boomerie, là. Ouais, mettons. et dans le contexte de travail, scénario et le reste, est-ce que justement tu passes quand même beaucoup par le scénario avant de tomber vers la case, qu'on fait un bon mapping ou tu te lances assez rapidement vers le crayonné? Je fais pas de scénario. Le scénario se fait dans la vraie vie. Je le note, je m'arrange pour faire la Boomerie avant d'oublier l'anecdote. Là, ça m'est arrivé quelquefois là, de prendre une idée en note, puis je sais pas moi, un an et demi plus tard, de regarder ça dans mes notes, puis de dire mon Dieu que je me rappelle pas c'est quoi cette histoire-là. Puis j'ai marqué mettons 3-4 mots, puis là ben j'ai aucune idée. Fait que ben je l'ai perdue celle-là. Non, je fais pas de scénario, puis je fais même pas de ce qu'on appelle de thumbnails, là, de découpage à l'avance. Là, je me lance directement. J'ai un gabarit de 4 cases tout près. Je fais juste retracer mes cases, puis je me lance dans le brouillon directement, puis après ça, la mise au propre. Puis comme je disais, ça me prend à peu près 20 minutes, une demi-heure, du début à la toute fin. Puis à la limite, en fait, le 4 cases, justement, force l'efficacité, permet de rentrer un peu le travail dans le temps dans le temps qui t'est imparti ou que tu t'es imparti aussi. Donc ça devient éventuellement, j'imagine, une source aussi de contraintes, donc d'inspiration, de dire, OK, mais comment je fais rentrer ça dans ces 4 cases-là, dans ce strip-là? Ben, c'est mon défi 3 fois par semaine. Il y a des fois où c'est plus facile que d'autres, où ça se fait instantanément. Puis d'autres fois où là j'ai un plus gros travail de synthèse puis de mise en page, si on veut. Puis d'habitude, quand ça me prend trop de temps, je trouve qu'il y a un raté. J'ai un moins bon feeling, comme ça, celle-là coule moins bien. Ou ouais, c'était pas mal plus drôle dans ma tête, c'était pas mal plus drôle quand c'est arrivé. Mais le webcomic aussi, c'est comme une série de petites dates de tombée, là, comme j'en ai un chaque lundi, mercredi, vendredi. Puis des fois c'est une contrainte de temps, puis des fois je la fais, je fais elle est pas si bonne que ça, mais j'ai pas vraiment le temps de la recommencer, fait que too bad, celle-là est en ligne telle qu'elle, je vais peut-être mettre une petite explication en dessous, puis je ferai mieux la prochaine fois. Oui, ou au pire, elle sera pas dans le best-of là. Non, mais je mets toutes mes BD dans mes livres, moi. Je fais pas de j'enlève pas celles que je trouve pas bonnes, j'accepte mes ratés, puis je me dis c'est comme ça que j'apprends. Oui, puis à la limite, le livre permet aussi de fixer un peu, en dehors du contenu Internet, de fixer peut-être un peu ces strips-là, ces BD-là. De quoi? De fixer? De les fixer, de les amener dans le concret, ou... Je comprends pas la question. Ah, mais ce que je veux dire, en fait, dans le passage, dans le fait justement de les éditer, de les amener dans l'objet livre, donc ça, c'est un passage obligé, t'as l'impression? Est-ce que ça grand de passer vers cet autre médium-là apporte quelque chose de plus concret ou permet de les conserver différemment, de les diffuser différemment? Ben oui, j'aime beaucoup le contact avec le lecteur, avec l'objet physique. Quand j'ai commencé les boomeries, je pensais pas me rendre en auto-édition. Je pense que je savais même pas que ça existait. C'est après 6 mois, parce que dans ce temps-là, j'étais plus productive, fait que j'en avais fait vraiment beaucoup, finalement, que j'avais tenté le pouls de mon lectorat, puis je leur avais demandé est-ce que ça vous dirait si je publie comme une collection de ce que j'ai fait jusqu'à date. Puis j'en avais imprimé une petite quantité, puis ça avait pris une semaine, je pense, ou 2 semaines, j'en avais déjà plus. Fait que là, je me suis dit, coudonc, j'ai trouvé mon truc. Puis ben forcément, si je suis encore là, puis je suis rendue au 8e volume, ben c'est parce que ça fonctionne assez bien pour moi. Je suis pas super bonne entrepreneur là, pour ce qui est de garder les statistiques, les chiffres, la comptabilité. Mon chum m'en veut un peu parce que je suis pas super. Je fais des erreurs, mettons. Je perds des livres. Mais sinon, je me débrouille pas trop mal, là. Je perds pas trop d'argent, j'imagine, si je suis encore là. Et en terminant, boum, quand tu regardes ce que là tu vas lancer, le tome 8, je mentionne d'ailleurs, il y a un lancement informel demain autour de 16h là, du côté du Festival BD de Montréal. Et quand tu regardes le tome 8, quand tu regardes le tome 1, bon oui, c'est ta vie, c'est l'évolution de ta famille, mais c'est aussi, j'ai l'impression d'un apprentissage live du médium aussi que tu fais d'une année à l'autre. Là. Ben oui, moi le tome 1, 2... Je fais des grimaces. Là, par chance, j'en ai plus. Ils se lisent dans le désordre, mais ça me dérange pas tant tout. Moi, quand je regarde les gens qui regardent le plus vieux livre versus le plus récent, tu sais, même si tout le monde me dit « Ah, ils sont super drôles, j'aime vraiment ça », tant mieux, mais moi, je les regarde, je fais que c'est... Je trouve que c'est... En anglais, comme on dit, c'est pas tight. Je trouve que le timing est pas bon. J'aurais fait ça différemment. C'est pas tant le style de dessin, là. Ça me dérange pas tant que ça. Ça a évolué avec le temps, c'est sûr. Mais je suis plus en termes de d'écriture et de mise en page. Là, je trouve que j'ai fait du chemin depuis. Fait que là, je suis toujours tiraillée quand les gens me demandent « Ah, si j'en veux un en particulier, lequel tu me suggérerais? » Puis là, j'ai envie de leur dire « Ben, le 8, il est pas mal meilleur que les autres. » Mais en même temps, le 3 et le 4, j'en aurai plus bientôt. Puis je les réimprimerai pas. Fait que est-ce qu'ils veulent la rareté ou est-ce qu'ils veulent le meilleur livre? Encore là, c'est mon opinion sur moi-même. Je vais toujours être difficile envers mon propre travail. Est-ce qu'on doit me faire confiance là-dessus? Je sais pas. L'histoire nous le dira. Et ben dans le fond, je mentionne aux gens, évidemment, on peut te rencontrer, bon, entre autres au Festival BD de Montréal et ailleurs. Et si, par un pur hasard, les gens qui nous écoutent ne connaissent pas TBD, on les trouve sur le web, bd.boomerie.com. Ben, boum, merci beaucoup. Ben, merci à toi. À une prochaine. Merci, bye salut. Bye. Alors voilà, donc, boum, auteur, je le rappelle, de ces boomeries. Tome 8, donc, qui est disponible depuis peu. Ben, je mentionne donc bd.boomerie.com, donc le site Internet pour trouver les bandes dessinées dont on a parlé. voilà, dernière ligne droite de l'émission La vie en BD. Peut-être deux petits commentaires rapides sur des BD sur lesquels j'ai une opinion assez mitigée, je dois le dire. Toujours un peu comme ça, les fins d'émission, on y va avec les bandes dessinées dont on a moins envie de parler longuement. Je le fais quand même brièvement, comme j'aimerais le faire un peu plus, peut-être la saison prochaine, on se donnera un peu plus de temps pour le faire d'ailleurs. Alors, Étoilé, tome 1, hors d'œuvre, donc série, nouvelle série qui a été lancée par Delphine Lerihé, Fanny Desmarais au niveau du scénario, donc du côté de Dupuis, série qui s'intéresse un peu à l'univers des reality shows, de la télé-réalité en nourriture, qui nous amène un peu première partie quand même peut-être plus intéressante, la deuxième, donc on suit un candidat d'une émission de type le meilleur cuisinier des chefs ou autre, donc le finaliste, en fait celui qui finit deuxième, qu'est-ce qu'il arrive après, qu'est-ce qui pourrait lui arriver après, comment réussirait-il à se relancer s'il y a lieu. Et donc on suit un peu ce parcours-là, évidemment, et c'est peut-être un peu le problème des deux bandes dessinées dont je vous parle brièvement là, c'est qu'on joue vraiment dans les classiques, dans les stéréotypes, et on n'en sort pas beaucoup malheureusement. Donc ça reste une histoire quand même un brin efficace. La première moitié est quand même assez confuse. On passe de différentes périodes temporelles, mais c'est pas toujours très clair, bien amené, si on peut dire. Deuxième moitié, donc, qui est plus typique, où on découvre la progression, dans le fond, de ce commerce, le défi d'avoir une étoile Michelin et autres. Donc un récit correct là, du côté d'Étoilé. Je suis curieux de voir quand même comment le deuxième tome va amener tout ça, mais ça reste assez classique, très classique dans la forme. Même chose en fait avec The Dream, tome 1, où on trouve dans le fond une série, un brin fourre-tout, avec des bons éléments, en fait des éléments de mystère. On sent qu'il y a une mythologie qui se place, qui sont pas déplaisants, beaucoup de références qu'on va chercher chez Dufault, chez March, dans le contexte de cette bande dessinée-là. Où on suit un type qui commence à travailler pour des films un peu coquins, peut-être, peut-être pas, d'une firme dont on sait pas trop c'est quoi la nature. Donc, il y a des éléments de mystère qui sont quand même bien amenés, bien rythmés, mais à un moment donné, quand le mystère prend des allures de vampire, de contour biblique et le reste, c'est là qu'on retombe dans les stéréotypes très classique et pas amené de manière particulièrement innovante ou originale. Donc ça reste quand même, on s'assoit rapidement si on peut dire dans ce contexte-là. Donc ce qui fait que j'ai pas été non plus particulièrement happé par cet album. Je les mentionne au passage comme ça. Donc The Dream tome 1 de ce côté et Étoilé tome 1 également hors d'œuvre. Donc deux nouvelles séries. Je me réserve quand même le droit de changer d'avis au fil du deuxième tome. Peut-être qu'on nous amènera ailleurs, mais pour l'instant des départs bien classiques. Et parlant de départ, eh bien on va prendre le nôtre puisque je le rappelle une dernière fois, c'est la dernière émission de La Vie en BD pour la saison 2017-2018 de CKRL. L'émission, je l'espère, sera peut-être de retour en septembre prochain. On vous tient au courant, évidemment, sur Facebook, facebook.com/lavieenbd. On mettra également les émissions des derniers mois en ligne prochainement sur lavieenbd.wordpress.com. Et d'ici là, je vous souhaite un très bel été sur les ondes du 89.1 CKRL. C'était Raymond Poirier au micro pour cette saison 2017-2018.